Je suis parti quand vous êtes arrivé. Jour. Je suis parti le jour où vous êtes arrivé. Je suis arrivé quand le train partait. Moment. Je suis arrivé au moment où le train partait. Il est tombé amoureux quand il l'a vu. Jour. Il est tombé amoureux le jour où il l'a vu. Ils ont déménagé quand ils se sont mariés. Année. Ils ont déménagé l'année où ils se sont mariés. Je sortais de chez moi quand tu as appelé. Moment. Je sortais de chez moi au moment où tu as appelé. On s'est connus quand on était à l'université. Époque. On s'est connus à l'époque où on était à l'université. Je suis entré dans la salle quand le film commençait. Moment. Je suis entré dans la salle au moment où le film commençait. J'avais un chien quand j'habitais à la campagne. Époque. J'avais un chien à l'époque où j'habitais à la campagne.